cotillon. Ah, Barta Sef Clan, la fin du monde est proche. Zametal Hamda, smash ce son qui te fout droit. Un, pour les vrais frérots de Fernand, ils se reconnaîtront. Béni la barrière connexion, Lucal Family, la place et toutes les cités de Bangkok. J'prends le mic pour vous cracher ma nehe, pour vous dire ce qui se passe dans ce putain de monde entier. La hagra sont méro par ces bâtards de Gaori. On voit pas, ils sont en train de nous chasser sans pitié. En disant que c'est pour notre bien qu'ils tuent nos refrains. Ils détruisent l'Irak puis l'Afghanistan pour des soi-disant problèmes d'argent. Terroriste homme politique, en vrai ils tuent des enfants. Fais pas Melhani, t'es pas au courant. Les faits divers sur cette terre me font effet percutant. Ils font tout ça pour avoir le pétrole, pour avoir tous les pays du monde sur leur contrôle. Les terroristes c'est eux, espèce de mongol. Réveillez-vous les gros, ils sont en train de nous mettre dans la casserole. Peut-être tu me prends pour un mahboul. Mon flow part d'un département africain de la Gaule. Hassoul pour rassembler tous les musulmans du monde entier, pour faire face à ces hauts d'Ahram de Kofar, qui acceptent pas que l'islam monte en puissance et veulent nous éliminer, bande de bâtards. Partage le terrorisme, fuck les fascistes. En fin de proche, dis-leur que la fin du monde est proche. Le gouvernement fait du blanc de pure souche. Rassemblement de tous les rogues, c'est hoche. Partage le terrorisme, fuck les fascistes. En fin de proche, dis-leur que la fin du monde est proche. Le gouvernement fait du blanc de pure souche. Rassemblement de tous les rogues, c'est hoche. Dites aux rogues qu'il faut se rassembler, parce que la fin du monde va arriver et tout exploser. Trop de signes qu'on voit, qu'on entend dans nos versets. La plupart des meufs respectent pas la virginité. De toute façon je dévoile pas, c'est la même pour les gueumés. Dans ce monde j'ai vu que de la misère. Trop de mères qui voient leurs enfants sous terre. C'est pour tous mes frères qui sont tapés sur cette terre, avec la foi dans le cœur et dans les artères. Toujours vénère, sévère dans mes couplets de guerre. C'est la vérité qui sort de mes glaires. La race est là où je vis depuis tout petit. On passe notre temps à galérer puis éviter les cufflis. 9-3-1-5-0 plan coq les Yuji. C'est le seum de là où j'ai grandi. Mes rimes sont la première bombe qui part à Saint-Saint-Denis. Écoute, l'apocalypse sera bientôt proche. Je vais me réveiller pour aller sonner la cloche. Et tous mes refrains du 9-3 au monde entier, vous entendrez B.A.R.T. Partage le terrorisme, fuck les fascistes. En fin de proche, dis-leur que la fin du monde est proche. Le gouvernement veut du blanc de pure souche. Rassemblement de tous les rogues, c'est hoche. Partage le terrorisme, fuck les fascistes. En fin de proche, dis-leur que la fin du monde est proche. Le gouvernement veut du blanc de pure souche. Rassemblement de tous les rogues, c'est hoche. C'est pour mes frères de la Palestine qui défendent leur territoire de ruines, où des tueurs leur lancent des mines et ensuite se font passer pour des miskines. Ouais, LF Gang, F Clan, MSA, Kams, H2R, Bartas, Smalusa.